Vous écoutez Radio Croix en Jésus. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Chapitre 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon vrai fils dans la foi, que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur te donne la grâce, le pardon et la paix. Comme je te l'ai demandé en partant pour la Macédoine, reste à Éphèse. Il y a là des gens qui enseignent de fausses doctrines, et il faut que tu leur ordonnes de cesser. Dis-leur de renoncer à ces légendes et à ces longues listes d'ancêtres qui ne produisent que des discussions. Elles ne servent pas le plan salutaire de Dieu que l'on connaît par la foi. Cet ordre a pour but de susciter l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns se sont détournés de cette ligne de conduite et ils se sont égarés dans des discussions stupides. Ils veulent être des maîtres en ce qui concerne la loi de Dieu, mais ils ne comprennent ni leurs propres paroles, ni les sujets dont ils parlent avec tant d'assurance. Nous savons que la loi est bonne si l'on s'en sert comme il faut. On se rappellera en particulier qu'une loi n'est pas établie pour ceux qui agissent bien, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les méchants et les pécheurs, pour les gens qui ne respectent ni Dieu ni ce qui est saint, pour ceux qui tuent leur père ou leur mère, pour les assassins, pour les gens immoraux, pour les homosexuels, pour les marchands d'esclaves, pour les menteurs et ceux qui prononcent de faux serments, ou pour ceux qui commettent toute autre action contraire au véritable enseignement. Cet enseignement se trouve dans la bonne nouvelle qui m'a été confiée, la bonne nouvelle qui concerne le Dieu glorieux et béni. Je remercie Jésus-Christ, notre Seigneur, qui m'a rempli de force pour ma tâche. Je le remercie de m'avoir estimé digne de confiance et de m'avoir désigné pour le servir, bien que j'ai parlé contre lui autrefois, bien que je l'ai persécuté et insulté. Mais Dieu a eu pitié de moi parce que je n'avais pas la foi et ne savais donc pas ce que je faisais. Notre Seigneur a répandu avec abondance sa grâce sur moi. Il m'a accordé la foi et l'amour que nous avons dans l'union avec Jésus-Christ. Voici une parole certaine qui mérite d'être entièrement reçue et crue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis le pire d'entre eux, mais c'est pour cela que Dieu a eu pitié de moi. Il a voulu que Jésus-Christ montre en moi, le pire des pécheurs, toute sa patience comme exemple pour tous ceux qui, dans l'avenir, croiront en lui et recevront la vie éternelle. Au roi éternel, immortel, invisible et seul Dieu, soit honneur et gloire pour toujours. Amen. Timothée, mon enfant, je te confie cette recommandation conformément aux paroles prophétiques qui ont été prononcées autrefois à ton sujet. Appuie-toi sur ces paroles pour combattre le bon combat. Garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi la ruine de leur foi. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus parler contre Dieu. Chapitre 2. En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes et des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille et paisible, avec un parfait attachement à Dieu et une conduite entièrement respectable. Voilà ce qui est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Car il y a un seul Dieu, et il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour payer la libération de tous. Il a apporté ainsi, au temps fixé, la preuve que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pour cela que j'ai été établi messager et apôtre, chargé d'enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. Je ne mens pas, je dis la vérité. Je veux donc qu'en tout lieu, les hommes prient, qu'ils lèvent les mains pour prier avec pureté de cœur, sans colère ni esprit de dispute. Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon convenable, avec modestie et simplicité, qu'elle ne s'orne pas de coiffures compliquées ou de bijoux d'or ou de perles ou de vêtements coûteux, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent respecter Dieu. Il faut que les femmes reçoivent l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre autorité sur l'homme. Elle doit garder le silence. En effet, Adam a été créé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui s'est laissé tromper, mais c'est la femme qui s'est laissée tromper et qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Mais la femme sera sauvée en ayant des enfants, à condition qu'elle demeure dans la foi, l'amour et la sainteté avec modestie. Chapitre 3. Voici une parole certaine. Si quelqu'un souhaite avoir une fonction de direction dans l'Église, il désire une belle tâche. Un dirigeant d'Église doit être un homme à qui l'on n'a rien à reprocher. Il faut qu'il soit le mari d'une seule femme, qu'il soit sobre, raisonnable et convenable, qu'il reçoive bien ceux qui viennent chez lui, qu'il soit capable d'enseigner. Il ne doit être ni buveur ni violent, mais doux et pacifique. Il ne doit pas être attaché à l'argent. Il faut qu'il soit capable de bien diriger sa propre famille et d'obtenir que ses enfants lui obéissent avec un entier respect. Car si un homme ne sait pas diriger sa propre famille, comment pourrait-il prendre soin de l'Église de Dieu? Il ne doit pas être un homme récemment converti, sinon il risquerait de se gonfler d'orgueil et d'être condamné comme le diable l'a été. Il faut aussi qu'il mérite le respect de ceux qui ne sont pas chrétiens, afin qu'il ne soit pas méprisé et qu'il ne tombe pas dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être respectables et sincères. Ils ne doivent pas boire trop de vin ni être prêts à gagner malhonnêtement de l'argent. Ils doivent rester attachés à la vérité révélée de la foi avec une conscience pure. Il faut d'abord qu'on les mette à l'épreuve, et ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils pourront travailler comme diacres. Leurs femmes aussi doivent être respectables et ne pas répandre des bavardages malveillants. Elles doivent être sobres et fidèles en tout. Il faut que le diacre soit le mari d'une seule femme et qu'il soit capable de bien diriger ses enfants et sa famille. Les diacres qui accomplissent bien leurs tâches obtiennent une situation honorable et peuvent parler avec une pleine assurance de la foi que nous avons dans l'union avec Jésus-Christ. Je t'écris cette lettre, mais en espérant aller te voir bientôt. Cependant, si je tarde à te rejoindre, cette lettre te permettra de savoir comment il faut se conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Oui, personne ne peut le contester. Il est grand, le secret de notre religion. Il est apparu comme un être humain. Il a été révélé juste par l'Esprit et a été vu par les anges. Il a été prêché parmi les nations. Il a été cru dans le monde et a été enlevé au ciel. Chapitre 4. L'Esprit le dit clairement, certains hommes abandonneront la foi dans les derniers temps. Ils obéiront à des esprits trompeurs et aux enseignements des démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs dont la conscience est morte, comme si on l'avait brûlée au fer rouge. Ces gens-là enseignent qu'il est mauvais de se marier et de manger certains aliments. Mais Dieu a créé ces aliments pour que les croyants qui connaissent la vérité, les mangent après avoir prié pour le remercier. Tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter, mais il faut tout recevoir en remerciant Dieu, car la parole de Dieu et la prière le rendent agréable à Dieu. Si tu donnes ces instructions aux frères, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Tu montreras que tu te nourris spirituellement des paroles de la foi et du véritable enseignement que tu as suivi. Mais rejette les légendes stupides et contraires à la foi. Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. L'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout, car il nous promet la vie pour maintenant et pour le futur. C'est là une parole certaine qui mérite d'être entièrement reçue et crue. Voilà pourquoi nous travaillons et luttons, car

C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à être son peuple, non à cause des œuvres que nous avons accomplies, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce en Jésus-Christ avant le commencement du temps, mais il nous l'a manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a mis fin au pouvoir de la mort, et au moyen de la bonne nouvelle, il a révélé la vie immortelle. Dieu m'a chargé d'annoncer cette bonne nouvelle en tant qu'apôtre et enseignant, et c'est pour cela que je subis ces souffrances. Mais je demeure plein d'assurance, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et je suis certain qu'il a le pouvoir de garder jusqu'à ce jour-là ce qu'il m'a confié. Prends comme modèle les paroles véritables que je t'ai communiquées, et tiens bon dans la foi et l'amour que nous avons dans l'union avec Jésus-Christ. Garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. Comme tu le sais, tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur manifeste sa bonté à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté. Il n'a pas eu honte de moi qui suis en prison. Au contraire, quand il est arrivé à Rome, il m'a cherché avec zèle jusqu'à ce qu'il m'ait trouvé. Que le Seigneur lui accorde de bénéficier de la bonté du Seigneur en ce jour-là. Tu sais très bien aussi tous les services qu'il m'a rendus à Éphèse. Chapitre 2. Toi donc, mon fils, fortifie-toi au moyen de la grâce que nous avons dans l'union avec Jésus-Christ. Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes de confiance qui sont eux-mêmes capables de l'enseigner aussi à d'autres. Prends ta part de souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut plaire à son commandant. Un athlète qui participe à une course ne peut gagner le prix que s'il court selon les règles. Le cultivateur qui a effectué le travail pénible doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. Réfléchis à ce que je dis, car le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. Souviens-toi de Jésus-Christ qui a été ramené de la mort à la vie et qui était un descendant de David, comme le déclare la bonne nouvelle que j'annonce. Parce que j'annonce cette bonne nouvelle, je souffre. Je suis même enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout pour le bien de ceux que Dieu a choisis, afin qu'eux aussi puissent obtenir le salut qui est en Jésus-Christ, ainsi que la gloire éternelle. Les paroles que voici sont certaines. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous restons fermes, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, il reste fidèle, car il ne peut pas se mettre en contradiction avec lui-même. Rappelle cela à tous, et demande-leur solennellement devant Dieu de ne pas se quereller à propos de mots. Ces querelles ne servent à rien si ce n'est à causer la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi d'être digne d'approbation aux yeux de Dieu, comme un ouvrier qui n'a pas à avoir honte de son travail, qui annonce correctement le message de la vérité. Évite les discussions vides et contraires à la foi, car ceux qui les tiennent s'éloigneront de plus en plus de Dieu. Ce qu'ils enseignent sera comme une plaie infectée qui ronge les chairs. Parmi ces gens, il y a Hyménée et Philète. Ils se sont écartés de la vérité et ils détournent plusieurs personnes de la foi en disant que notre résurrection a déjà eu lieu. Cependant, les solides fondations posées par Dieu tiennent bon. Les paroles suivantes y sont gravées. Le Seigneur connaît les siens, et tout homme qui déclare appartenir au Seigneur doit se détourner du mal. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de la vaisselle en or et en argent, il y en a aussi en bois et en argile. La première est réservée à des occasions spéciales, l'autre est destinée à l'usage courant. Si quelqu'un se purifie de tout le mal dont je parle, il sera utilisé pour des tâches spéciales, car il appartient entièrement à son maître, il lui est utile, il est prêt à être employé pour toute œuvre bonne. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la droiture, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel au Seigneur. Mais, Rejette les discussions folles et stupides. Tu sais qu'elles ne se terminent par des querelles. Or, un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller. Il doit être aimable envers tous, capable d'enseigner et patient. Il doit instruire avec douceur ses contradicteurs. Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer de façon d'agir et de parvenir à connaître la vérité. Ils reviendront alors à leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les a attrapés et les fait obéir à sa volonté. Chapitre 3. Rappelle-toi bien ceci. Il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils parleront contre Dieu et désobéiront à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et gonflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de notre foi, mais ils rejetteront sa véritable puissance. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et soumettent à leur influence de faibles femmes, chargées de péchés et entraînées par toutes sortes de désirs, des femmes qui cherchent toujours à apprendre, mais qui ne sont jamais capables de parvenir à connaître la vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit faussé et dont la foi ne vaut rien. Mais ils n'iront pas très loin, car tout le monde se rendra compte qu'ils sont insensés, comme cela s'est passé pour Jannès et Jambrès. Mais toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes intentions, ma foi, ma patience, mon amour, ma fermeté, mes persécutions et mes souffrances. Tu sais tout ce qui m'est arrivé à Antioche, à Iconium, à Lystre, et quelles persécutions j'ai subies. Mais le Seigneur m'a délivré de toutes. D'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres et seront eux-mêmes trompés. Quant à toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Chapitre 4. Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts. Je te le demande au nom de la venue du Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu et annonce-la avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. Persuade, adresse des reproches et encourage en enseignant avec une patience parfaite. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et rassembleront auprès d'eux une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils désirent entendre. Ils n'écouteront plus la vérité, ils s'en détourneront pour porter toute leur attention sur des légendes. Mais toi, demeure maître de toi-même en tout, supporte la souffrance, fais ton œuvre de prédicateur de la bonne nouvelle et accomplis entièrement ton devoir de serviteur de Dieu. Quant à moi, l'heure est arrivée où je vais être offert en sacrifice. Le moment est venu pour moi de mourir. J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là. Et il ne la donnera pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Efforce-toi de venir me rejoindre bientôt, car Démas m'a abandonné parce qu'il aime trop le monde présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens s'est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il pourra m'aider dans ma tâche. J'ai envoyé Tichique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Apporte également les livres et surtout ceux qui sont en parchemin. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le paiera selon les actions qu'il a commises. Prends garde à lui, toi aussi, car il s'est violemment opposé à tout ce que nous avons dit. Personne ne m'a soutenu la première fois que j'ai présenté ma défense. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas compte. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, de sorte que j'ai pu pleinement proclamer le message et le faire entendre à tous les non-juifs. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de tout mal et me fera entrer sain et sauf dans son royaume céleste. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. Salut Priscille et Aquilas, ainsi que la famille de Nésiphore. Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime à Milet, parce qu'il était malade. Efforce-toi de venir avant l'hiver. Eubulus, Prudence, Linus, Claudia et tous les autres frères t'adressent leurs salutations. Que le Seigneur soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec vous.